Puis ensuite, l'auteur te conseille de quoi? D'observer les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les exhortations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il nous a prodiguées en ce qui concerne les étudiants. فإذا أصبحت مؤهلا للتعليم وأتاك طلاب العلم يتلقون العلم على يديك فعليك أن تقابلهم بصدر رحب. Donc si des gens, une fois que tu commences à enseigner, si des gens viennent te demander la science, tu dois donc les accueillir avec un cœur ouvert. وَلْتَكُنْ نَفْسَكَ مَعَهُمْ طَيِّبًا. Et que tu te comportes d'une bonne manière avec eux. لماذا؟ لأنهم تغربوا عن أوطانهم وتركوا ديارهم وعطلوا كثيرا من مصالحهم رغبة في هذا العلم فهم جاءوا لأمر شريف ومقصد نبيل فأمثال هؤلاء حقهم أن يتلقوا بالترحيب وحسن المعاملة. Donc, car ces gens-là, ces étudiants, ont délaissé leur région, ont voyagé pour venir chercher la science. Ils ont délaissé certaines obligations. Ils ont délaissé certaines obligations. Tout cela pourquoi? Pour venir rechercher la science. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé d'honorer ceux qui viennent pour demander la science. وَلِهَذَا فِي تَرَاجُمِ أَهْلِ الْعِلْمِ يذكر في أوصاف بعضهم أنه كان حسن التودد وهذه خصلة طيبة مهمة في العالم والأستاذ أن يكون حسن التودد بالبشاشة والطلاقة والابتسامة وحسن المعاملة. Et donc ceci étant, et donc un caractère honorable et très important pour le savant, qu'il soit quelqu'un qui quoi, qui يتودد إلى الطلاب، c'est-à-dire qui attentionné, barakallahu fik, qu'il soit attentionné envers ses étudiants et qu'il les accueille avec le sourire et avec un bon comportement et avec un cœur léger. وهذا الترحيب الرفيع يزيد من همة الطالب ويقوي رغبته ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتلقى طلاب العلم بالترحيب وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أتته الوفود لطلب العلم والأخذ عنه كما جاءه وفد عبد القيس وفد عبد القيس والحديث في الصحيحين فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. Donc ceci était le fait de, donc d'accueillir l'étudiant en science en lui souhaitant la bienvenue. Ceci donc augmente la motivation de l'étudiant et le renforce dans ce qu'il recherche. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de recevoir les étudiants en sciences en leur souhaitant la bienvenue. Et ceci faisait partie de sa guidée. Comme lorsque El Wafd. Comme lorsque la délégation de Abd al-Qais. Abd al-Qais, c'était donc un peuple. Yani, Wafd Abd al-Qais, c'est-à-dire c'est la délégation de Abd al-Qais, qui était yani, des gens qui étaient d'une certaine région de l'Arabie, qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine pour lui prêter serment d'allégeance une fois que l'islam s'est propagé dans la péninsule arabique. De chaque contrée, de chaque tribu, venaient des gens, des délégations pour venir prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la délégation de Abd al-Qais, lorsqu'elle est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils étaient venus pour lui prêter serment d'allégeance et qu'ils voulaient prendre de lui une science pour revenir à leur peuple pour propager cette science. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Marhaban bil qawmi ghayra khazaya wa la nadama. Bienvenue à vous. Bienvenue à des gens comme vous qui ne seront point déçus et point humiliés. Qui ne seront point déçus et point humiliés. Puis ensuite, donc, l'auteur dit وَفِيهِمْ وَحْفَظْ وَصَيَّ الْمُصْطَفَى بِهِمِ et préserve les exhortations que le professeur nous a données en ce qui concerne les étudiants. يقول الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله والناظم يشير إلى ما رواه الترمذي وابن ماجه من طريق أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضين يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. Donc Cheikh Abd al-Razzaq nous dit que donc l'auteur par là il vise un hadith qui est rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah, dans lequel ils disent nous allions voir Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Un rapporteur donc dit nous allions voir Abu Sa'id et qu'il nous disait bienvenue à l'exhortation du messager d'Allah. Bienvenue à ceux dont le messager d'Allah nous a exhortés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, les gens vous suivront et des hommes viendront de tous côtés de toute contrée de la terre afin d'apprendre la religion. Donc s'ils viennent à vous, alors occupez-vous bien d'eux. فهذه وصية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاب العلم. Donc ceci est une exhortation du prophète صلى الله عليه وسلم dans le fait de bien s'occuper des étudiants en science. ولم يحدد شيئا معينا يوصي نحوهم به وهذا يفيد العموم فيشمل ذلك كل ما يمكنه أن يقدمه العالم من خير قولي أو فعلي للطلاب العلم. Donc cette exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette exhortation, le prophète n'a pas désigné une chose précise, mais il a dit, s'ils vous viennent, alors occupez-vous bien d'eux. Si les étudiants en sciences viennent vers vous, alors occupez-vous bien d'eux. Donc il n'a pas désigné une chose précise, il ne nous a pas dit de faire telle ou telle chose envers les étudiants. Et ceci implique donc la généralité. Ceci implique la généralité, à savoir que le savant devra avancer et devra faire pour les étudiants tout ce qu'il peut, comme bien, que ce soit un bien par la parole ou par les actes. وَالنِّيَّةَ تَجْعَلْ لِوَجْهِ اللَّهِ خَالِصَةً إِنَّ الْبِنَاءَ بِدُونِ الْأَصْلِ لَمْ يَقُمِ. Puis ensuite, donc l'auteur revient dans l'exhortation de l'étudiant et lui dit « Et fais que ton intention soit sincère, le fait que tu ne recherches par ta recherche de la science que la satisfaction d'Allah. » « فَطَلَبُ الْعِلْمِ عِبَادَ » Donc la recherche de la science est une adoration. كما قال الإمام الزهري رحمه الله قال ما عبد الله بمثل العلم ما عبد الله بمثل العلم comme l'imam Zuhri disait Allah n'est pas adoré par une chose égale à la science, à la recherche de la science. C'est-à-dire que la meilleure des adorations est la recherche de la science. Disait l'imam Zuhri. Ma ubidallahu bimithli al-ilm. Allah n'est pas adoré par une chose égale à la science, à la recherche de la science. Wal-ibadatu la tuqbal illa bil-ikhlas lillahi azza wa jal. Et l'adoration n'est acceptée que si elle est faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. فعلى طالب العلم أن يصحح نيته في كل وقت وحين. Et donc l'étudiant, celui qui recherche la science, doit constamment réviser son intention et vérifier qu'il recherche la science sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. والإخلاص يتحقق بما يلي. Et la sincérité dans la recherche de la science se concrétise par ce qu'il suit, par ce qui suit. أن يقصد بطلبه qu'il recherche par sa recherche de la science plusieurs choses. أولا رضا الله عز وجل. La première des choses qu'il recherche, c'est quoi? C'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également parmi la sincérité dans la recherche de la science, qu'il recherche par là, ma'rifatu ma yusiluhu ila al-jannah. Ma'rifatu ma yusiluhu ila al-jannah. Qu'il recherche par la recherche de la science, à connaître ce qui va l'emmener au paradis. À savoir ce qui va l'emmener au paradis. Troisième chose, qu'il recherche par la science à enlever son ignorance. À enlever son ignorance. Et qu'il recherche également, dans la recherche de la science, à revivifier la religion et à montrer la sunna et à préserver l'islam. Et à préserver l'islam. وكذلك على الطالب العلم أن يحذر مما ذكره الناظم مما ينافي الإخلاص. Également, l'étudiant en science devra prendre garde de tomber dans des choses qui vont contredire la sincérité dans la recherche de la science. فيحذر الطالب العلم من الرياء والسمعة. Donc l'étudiant en science devra prendre garde de tomber dans l'ostentation. وطلب المناصب الدنيوية. Et devra prendre garde de tomber dans la recherche d'un profit mondain. De rechercher une place dans la société à travers sa recherche de la science. ويحذر كذلك من طلب ثناء الناس عليه ومدحهم له. Et également il devra prendre garde. Il devra faire attention à ne pas rechercher les éloges des gens. Les éloges des gens. Car toutes ces choses contredisent la sincérité dans la recherche de la science. لعلنا نقف على هذا ونواصل غدا بإذن الله تعالى Donc nous allons nous arrêter ici et nous continuerons demain, inshallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.